On est le 13 octobre 2016. On est au Centre des travailleurs immigrants à Montréal, Québec. Bonjour. Bonjour, c'est Chucky Yun de Centre des travailleurs immigrants. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et parler un peu de le rassemblement qui va se passer demain, samedi, le 15 octobre? Oui, donc je suis ici comme un bénévole depuis l'an dernier et je suis chargé de dossier de cette campagne de 15 salaire minimum de 15 $. Et on a lancé notre campagne l'an dernier en octobre, le 7 octobre 2015, sous le nom de 15 et Justice, et avec quelques groupes qui sont alliés ici. Et depuis, on a essayé d'élargir les alliés, les groupes alliés. Et surtout depuis 2016, il y avait beaucoup de groupes, d'organismes communautaires, groupes politiques, syndicats qui s'intéressent, qui s'impliquent dans cette campagne. Et le 15 avril, on a déjà organisé une manifestation avec une trentaine de personnes. Et cette fois-ci, ça serait beaucoup plus grand. Donc, on a 30 groupes organisateurs qui préparent ensemble cette journée d'action pour 15 $ le 15 octobre à 11 h, qui commence à Pâques-le-Prévôt. Est-ce que vous pouvez parler un peu pourquoi vous, personnellement, êtes intéressé à s'impliquer pour un mouvement pour un salaire minimum à 15 $ par heure? Oui, donc d'abord personnellement, je suis aux études et je ne travaille pas au salaire minimum. Donc cela ne m'affecte pas directement. Mais selon mes recherches, selon mes expériences et selon mes rencontres avec des travailleuses, ça c'est un des moyens efficaces pour améliorer la situation des travailleuses au bas salaire. Mais non seulement ces personnes qui sont directement affectées par le salaire minimum, mais aussi dans l'ensemble de l'économie et de la société, ça c'est un des moyens pour améliorer la situation de pauvreté et aussi pour mieux gérer l'économie d'une manière plus juste. Aussi, ça c'est l'enjeu du salaire minimum, ça c'est un enjeu relativement universel. Donc ça veut dire traditionnellement dans la lutte visant la hausse du salaire, c'était basé sur certains lieux de travail. Mais le salaire minimum, ça s'applique dans une société. Donc dans le cas du Canada, c'est le gouvernement provincial qui le fixe. Et dans ce cas, tous les travailleuses travaillant dans cette société, dans la province du Québec, sont affectés par le salaire minimum. Donc avec la précarisation, ça devient de plus en plus difficile de créer une base de solidarité à travers le lieu de travail, le secteur de travail. Mais il y a une potentialité d'élargir la base de solidarité au-delà de leur appartenance ethnique ou leur lieu de travail ou le secteur ou leur régime d'emploi, comme soit temporaire ou permanent, à temps partiel ou à temps complet. On est maintenant au Centre des travailleurs, travailleuses immigrants. On va peut-être entendre les travailleurs, travailleuses, des bénévoles au téléphone en arrière. Est-ce que vous pouvez nous parler encore de qu'est-ce qui se passe ici au Centre des travailleurs immigrants et quels sont les liens entre le centre ici et le mouvement pour augmenter le salaire minimum? Oui, au Centre des travailleurs immigrants, on lutte pour protéger les droits au travail des personnes issues de l'immigration, donc soit de statut temporaire ou de statut permanent, ou même la deuxième ou troisième génération qui appartient au groupe racialisé ou racisé. Et aussi, on offre certains services comme consultation, et aussi les cours linguistiques ou les ateliers informationnels. Mais aussi, on organise certaines campagnes qui peuvent affecter ces travailleuses. Et dans le cas de l'enjeu de 15 $, salaire minimum de 15 $, cela ne peut pas limiter au travail migrant, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une question plutôt universelle. Mais dans le cas des travailleurs migrants, la proportion, donc le taux des travailleuses rémunérées au salaire minimum est plus élevé que les d'autres types de travailleuses. De plus, ces travailleuses, surtout avec leur statut temporaire, ils ne bénéficient pas des services publics ou des aides sociaux. Donc le salaire, ça constitue vraiment une essence de leur revenu. Donc c'est plus important pour les travailleuses. Surtout avec la précarisation, malgré des années de travail, on perd une espérance de l'augmentation de leur salaire, hein, parce que comme les travailleuses de l'agence de placement, on change leur lieu de travail et avec même niveau de salaire. Donc il n'y a pas de vrai, donc au fil du temps, il n'y a pas de vraie amélioration de leurs conditions. Donc dans ce cas, élever le niveau de base prend une importance plus grande pour les travailleurs migrants. Aussi, ça c'est un enjeu que peut relier les travailleurs migrants issus de l'immigration avec d'autres travailleuses. La campagne Fight for 15, le mouvement pour un salaire minimum à 15 pièces, ça prend l'ampleur aux États-Unis et ailleurs au Canada. Est-ce que vous pouvez parler des succès qu'il y a eu déjà, les villes et des industries qui ont déjà adopté un salaire minimum à 15 par heure? Oui, donc d'abord, ça c'est Seattle, donc, qui a adopté aussi le salaire minimum à 15 salaires au niveau municipal. Parce qu'aux États-Unis, la compétence du gouvernement municipal, ça, c'est un peu différent du Canada. Donc, il y a plus de compétences qui peuvent influencer la condition de travail des travailleuses. Donc, c'est pourquoi il y avait une campagne au niveau municipal avec la campagne de salaire viable aux États-Unis. Mais pour l'instant, donc, au niveau de l'État ou provincial aux États-Unis, il y a l'État de New York et l'État de Californie qui ont adopté la hausse vers 15 dollars. Au Canada, c'est l'Alberta qui a adopté pour la première fois pour la hausse du salaire minimum à 15 dollars. Et pour retourner à la marche, le rassemblement qui va avoir ce samedi, le 15 octobre, est-ce que vous pouvez nous décrire les détails sur les lieux où ça va se passer, où est-ce qu'on se trouve? Oui, donc ça commence au parc Le Prévost, qui se trouve juste entre la station Jean Talon et la station Fabre. Et le rassemblement commence à 11h, mais à 10h30, il y aura un point de presse. Ensuite, 11h, on va commencer le rassemblement avec quelques animations et quelques prises de parole. Ensuite, on va faire une marche de Parc Le Prévost, donc en passant le quartier de Jean Talon vers la station Parc. Donc on estime qu'on arriverait à peu près midi et demi à la station Parc. Et là-bas, on va avoir un petit événement de clôture avec quelques prises de parole et un peu de musique. Et si notre audience veut s'impliquer ou s'ils veulent chercher d'autres informations, que ce soit sur la marche samedi ou sur le centre des travailleurs immigrants, y a-t-il un numéro de téléphone, un site web, d'autres façons à vous trouver? Donc, d'abord, pour la campagne de 15 salaires, on a créé une coalition qui s'appelle 15 maintenant. Donc, on a une page Facebook, donc facebook.com/15 en chiffres, donc 1-5. Ensuite, maintenant, MAINTENANT point Québec. Donc ça, c'est notre page Facebook. En fait, on a ouvert un site web, mais c'est sous la rénovation. Mais les informations seront affichées sur Facebook, donc vous pouvez accéder au site web qui sera renouvelé plus tard. Et pour le Centre des travailleurs immigrants, Donc, notre site web, c'est iwcci.org. Ensuite, Facebook, c'est facebook.com/citiwc. Aussi, pour nous contacter par téléphone, c'est 514-342-2111. 514-342-2111. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour organiser la marche et pour tous vos travaux ici au Centre de travailleurs, travailleuses et migrants et pour parler avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter en conclusion? Donc, jusqu'à maintenant, donc au début, vraiment, on était un des quelques petits groupes qui a lancé la campagne pour 15 salaires au Québec. Avec nous, quelques petits organismes communautaires et aussi il y avait une petite coalition qui s'appelle 15+. Ensuite, le syndicat du Vieux-Port était impliqué. Mais depuis, il y avait vraiment une grande effervescence pour cette campagne. Et maintenant, il y avait vraiment beaucoup de groupes différents, soit étudiants, syndicaux ou politiques. Et on a conclu que au moins, on a réussi à construire un agenda. Donc, ça veut dire que le salaire minimum à 15 salaires est devenu un des enjeux centraux de la société québécoise. Et ce samedi, ça serait un bon moment de convergence de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis l'an dernier. Mais ce n'est qu'un autre début de deuxième étape de cette campagne. Donc, après le 15 octobre, il y aura plus d'activités diverses partout à travers le Québec. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne le salaire minimum à 15 $. Merci. Mais merci beaucoup encore. On va se voir samedi. Merci beaucoup.